y a des femmes qui font la folie de s'appeler Julie. Julie. Il y a des femmes qui sont assez prudes pour s'appeler Gertrude. Gertrude. Certaines femmes sont assez bonnes filles pour s'appeler Camille. Camille. Il y en a d'autres qui se croient assez grandes pour s'appeler Yolande. Yolande, Yolande, Yolande. Je m'appelle Ciboulette, ça sonne clair comme une chanson. C'est gai, c'est vif, ça me pirouette, mais ça rime avec amourette. Moi, je m'appelle Ciboulette, c'est un nom qui plaît aux garçons. Elle s'appelle Ciboulette, ça sonne clair comme une chanson. Certaines femmes, quelle drôle de manie, veulent s'appeler Marie. Marie. Il y en a d'autres qui sont si fidèles qu'elles s'appellent Adèle. Adèle. Quelques-unes sont assez boulottes pour s'appeler Charlotte. Charlotte. Et il y en a qui se font tant à croire qu'elles s'appellent Victoire. Victoire, Victoire, Victoire. Ciboulette, ça sonne clair comme une chanson. C'est gai, c'est vif, ça pirouette, mais ça rime avec amourette. Moi, je m'appelle Ciboulette, c'est un nom qui plaît aux garçons. Elle s'appelle Ciboulette, ça sonne clair comme une chanson. C'est gai, c'est vif, Ciboulette, c'est un nom qui plaît aux garçons. Père Tranchu, je voudrais vous dire un mot dans le particulier. Oui. C'est-il vrai qu'il y a quelqu'un au hall qui voulait l'avenir dans la main? Bien sûr, la mère Pingret, c'est sa spécialité. Mère Pingret, il y a une cliente pour vous. C'est-il pour du poisson? Non, c'est pour l'avenir. Ah, c'est pour cette jeunesse? Oui. Voilà. Oui, oui. Alors voyons, qu'est-ce qu'il y a pour ton service? Eh bien, madame Pingret, comme j'ai jamais éprouvé l'amour, je voudrais savoir, oui ou non, si je suis capable d'aimer. Ah, voilà, ça c'est délicat. Faut d'abord que je mette mes lunettes. Donne-moi ta main. Voyons, voyons. Oh, je vois! Je vois. Quoi? Un jeune homme. Oh, il est blond. Je ne sais pas, il a son chapeau. Oh, zut alors. Oh. Et que voyez-vous encore? L'étoile, tu as l'étoile. On t'entoure, on te félicite, on te fête. Oh, mon rêve. Oh, mon petit saumon, si j'avais eu ce main-là, c'est pas du poisson que j'aurais vendu, c'est mes sourires. Et qu'est-ce qu'il y a encore? L'homme qui fera ton bonheur, oui. Faut que tu le trouves sous un chou. Après? Et après? Après, il faut que tu l'enlèves à une femme qui deviendra toute blanche en une minute. Oh. Et enfin, il faut que tu reçoives une lettre de faire-part dans un tambour de basque. Oh, madame Pingret, mais c'est impossible tout ça. Ça paraît impossible avant, mais quand c'est arrivé, ça paraît tout naturel. Tu es orpheline? Oui, madame Pingret. Ma petite, dans une carrière comme ça, c'est un tort. T'auras un jour besoin d'une mère. Ce jour-là, pense à moi, t'en trouveras pas une plus convenable, ni meilleur marché. C'est 40 sous. Merci. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Cette petite, elle sait pas où elle va, seulement elle y court. Oh, je vois tout, moi. Tenez, en ce moment, je vois M. Duparquet qui est en train d'y causer à Ciboulette. Et derrière M. Duparquet, savez-vous qui que je vois? Cette gourde d'Antonin de Mourmelon. Oui, le jeune cocu. Il n'a pas l'air de l'avoir encore digéré son coup dur. Ah, il fait une drôle de bobine. Bah, faut pas pleurer comme ça, mon petit hareng. Oh, comme cette dame sent le poisson. On peut rien vous cacher. Il doit être extra lucide aussi, ce jeune dindon. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez? Si vous saviez. Eh bien, dites, voyons, dites. Je suis cocu. Qu'est-ce que vous avez à rire comme ça? Oh, mais c'est parce que vous dites que vous êtes cocu. C'est si drôle. Oh, vous trouvez, vous? On voit bien que vous ne savez pas ce que c'est. Oh, mais je vous demande pardon. Des cocus, nous en avons à Aubervilliers. Je sais très bien comment c'est fait. Mais un petit cocu comme vous, tout frais, tout mignon. Oh, c'est pas un vrai cocu. Un vrai cocu ou pas, j'ai un petit chagrin. Mais faut pas. Maintenant, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voudrez. Vous êtes libre. Libre? Mais oui. Oh tiens, c'est vrai. Ça m'était jamais arrivé.